Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Rends gloire au nom de ton Seigneur, le plus haut, celui qui crée et façonne, celui qui prédestine et guide, celui qui fait pousser les pâturages, pour en faire ensuite une herbe sombre et desséchée. Nous te ferons lire le Coran, dont tu n'oublieras rien. Sauf ce qu'Allah voudra que tu oublies, car il sait ce qui se manifeste au grand jour et ce qui reste caché. Nous te mettrons sur la voie la plus facile. Rappelle donc, pour que le rappel soit vraiment utile. S'en souviendra sûrement celui qui craint Allah. Et le plus malheureux fera tout pour l'éviter. Lui qui brûlera dans le feu le plus grand, puis n'y mourra point, pas plus qu'il n'y vivra. Aura la réussite celui qui s'est purifié, a évoqué le nom de son Seigneur et a prié. Vous préférez plutôt la vie en ce bas monde, alors que l'autre monde est bien meilleur et autrement durable. Cela est consigné dans les anciens feuillets, les feuillets d'Abraham et de Moïse.